C'est un type qui est libre, mais pourchassé par des chasseurs de primes. C'est un tireur, un vrai tueur, vêtu d'un manteau rouge qui tombe par terre. La une touffe qui étouffe, dressée sur sa tête comme une pantoufle, est suivie de deux filles un peu marrante qui bossent à la police. Il s'appelle Vache de Stampede. Vache de Stampede. Vache de Stampede. Il s'appelle Vache de Stampede. Là un flingue de gueudin qui ressemble aux Pythons de Nicky Larson. Là un passé lourd à porter, mais pour ses ennemis, c'est l'horreur qui sonne. De ville en ville, il se déplace et va rencontrer un curé bizarre, qui est aussi super tireur. Vont-ils s'affronter comme les tontons flingueurs? Il s'appelle Vache de Stampede. Vache de Stampede. Vache de Stampede. Vache de Stampede. La Belle de Pie. Vache de Stampede. Vache de Stampede. Vache de Stampede. Vache de Stampede. Vache de Stampede. Vache de Stampede. Vache de Stampede. Il s'appelle Vache de Stampede. Ouah.